Au contraire, nous avons accordé une jouissance temporaire à ceux-là, comme à leurs ancêtres jusqu'à un âge avancé. Ne voit-il pas que nous venons à la terre que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs?